comme à chaque lundi, même quand c'est férié, on peut compter sur Tania Beaumont, mais aussi sur Raymond Poirier pour être là. Merci beaucoup, Raymond en culotte courte. Oui, on profite quand même de la température. Il fait chaud aujourd'hui. Oui, oui, oui, tout à fait. Et puis, on dirait même qu'on est chanceux à CKRL parce qu'on jouit de l'air climatisé là actuellement. Donc, on se tient quand même au frais. C'est une bonne raison pour faire une chronique, pour reprendre un peu de frais. Alors, Raymond, bien évidemment, le sujet qui était incontournable pour ceux qui suivent l'actualité en général, mais particulièrement l'actualité dans le milieu des nouvelles technologies, c'est la stratégie numérique qui a été annoncée par le gouvernement du Québec la semaine dernière. Il y a aussi eu un événement à la bibliothèque Gabriel Roy, dont on a parlé, organisé par des spécialistes à l'Université Laval. Donc, c'était comme un des sujets pas mal à la mode la semaine dernière. Et toi, tu as suivi ça avec grande attention. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle de stratégie numérique dans la bouche du gouvernement? Parce qu'il y avait des spécialistes qui avaient des attentes, qui avaient des recommandations à faire. Du côté gouvernemental, qu'est-ce qu'on a décidé d'adopter comme stratégie? Oui, en fait, disons qu'il y avait énormément d'attentes autour de cette stratégie-là. Tu le mentionnes avec certains experts, et c'est le cas depuis plusieurs années, d'ailleurs. En fait, pour ceux qui suivent l'actualité technologique, je pense qu'il y avait beaucoup de blogueurs, il y avait beaucoup d'acteurs du domaine, beaucoup d'organismes aussi qui l'attendaient de pied ferme. Il faut dire que le gouvernement a fait un peu languir ces acteurs-là, dans la mesure où, il y a déjà à peu près 2 ans, ils avaient fait un forum des idées. En fait, c'est un événement que le Parti libéral du Québec organise annuellement. L'an dernier, c'était sur l'éducation. Il y a 2 ans, c'était sur, justement, le numérique au sens large et l'idée, justement, d'une stratégie numérique. Et au fil de cette fin de semaine-là, eh bien, il y a eu une pléiade d'acteurs, justement, du domaine qui ont défilé devant la communauté libérale, le premier ministre qui avait siégé à l'ensemble des présentations et qui disait, ben, il faut un plan numérique, il faut savoir où l'on s'en va comme société. Alors, c'est une stratégie donc est arrivé le 20 mai dernier, donc vendredi dernier, dévoilement à Montréal. Ensuite, on risque d'en entendre aussi pas mal parler. En fait, j'ai vu dans l'horaire de la ministre de l'Économie, Dominique Anglade, disons qu'elle va aller à gauche, à droite, dans différents événements à la rencontre du milieu technologique pour, j'imagine, aussi parler de cette stratégie-là. Parce que c'est un peu un dévoilement en 2 temps. On y reviendra. Le cœur de la bête, c'était le plan d'action sur l'économie numérique. Mais évidemment, autour de ça, il y avait aussi l'idée d'une stratégie numérique. Le gouvernement, dans les rapports qui sont disponibles sur le web, décrivent ça comme une vision gouvernementale cohérente, et j'ai ouvert les guillemets, afin que le Québec évolue vers une société numérique, une stratégie qui sera élaborée en collaboration avec les citoyens, les entreprises et les organismes pour que chacun puisse faire entendre ses préoccupations et ses aspirations. Alors ici, on parle d'une démarche évolutive. Normalement, en termes de stratégie numérique, ben, ça va commencer cet été, et ça va se dérouler jusqu'au printemps prochain avec les conclusions pour l'automne 2017. Donc, c'est de donner vraiment une direction qu'on va suivre. Et justement, les raisons qui sont invoquées par le gouvernement québécois pour adopter une stratégie comme celle-là. Alors, en fait, le gouvernement lui-même a choisi d'en retenir 6 pour dire, ben voici, de ce qu'on a entendu, voici les raisons principales pour lesquelles on y va de l'avant avec cette stratégie. On mentionne d'emblée l'omniprésence du numérique dans toutes les sphères d'activité de notre société. Alors, nécessairement, ben de penser le numérique, ça relève pour eux, et je pense pour nous aussi, on s'entend d'une vision sociétale pour le développement de notre société. Sur le plan des affaires, on dit, regardez, l'économie numérique est aujourd'hui l'un des domaines les plus dynamiques de l'économie mondiale, c'est celui, effectivement, quand on regarde les chiffres, qui connaît la croissance la plus importante. On dit également que les technologies numériques révolutionnent les façons de s'informer, de travailler, de s'instruire, d'acheter, d'obtenir des services et de se divertir. Et je pense que les auditeurs réguliers de CKRL savent que, effectivement, ça amène une série de changements de paradigmes qui sont assez importants, des changements culturels à bien des égards. On parle d'un exercice qu'on estime qui sera mobilisateur, donc qui permettra d'engager la population aussi. Et enfin, on estime que la stratégie va faciliter la coordination des actions des différents ministères à la hauteur des ambitions du gouvernement. Là, on est donc dans les raisons qui sont invoquées. Qu'en est-il maintenant des champs d'application? Alors là-dessus, on en retient 5. Donc, on y va avec des termes ou des éléments dont on entend quand même pas mal parler. On parle des villes et territoires intelligents, donc c'est l'un des grands buzzwords actuellement. Montréal qui a son bureau de la ville intelligente, qui a une grosse stratégie là-dessus. Il y a Québec évidemment qui a fait beaucoup de représentations, mais même si on regarde de manière générale à l'échelle municipale, Shawinigan fait des travaux, Laval fait des travaux là-dessus, Magog fait des travaux, et j'ai vu, je pense que la semaine dernière, c'était Princeville qui se réclamait d'une stratégie de ville intelligente en banlieue de Victoriaville. Donc un peu tout tout le monde rentre un peu là-dedans, dans l'idée des manières par lesquelles on peut intégrer les pratiques numériques dans les activités de gouvernance des villes, dans le dialogue entre élus citoyens. À ça, évidemment, on ajoute les pratiques innovantes du numérique, le secteur de la santé au sens très large, évidemment avec déjà des mesures qui sont en cours, services publics et le gouvernement ouvert, donc l'idée de rendre disponibles les données gouvernementales le plus possible, d'être le plus transparent possible. Alors, c'est pas mal les éléments quand on parle de co-création, de consultation et d'action ciblée en ce qui concerne les thématiques. Et tout ça n'arrive pas de nulle part, évidemment. Ça fait partie d'un ensemble de plans passés et à venir qui sont déjà existants, ou en tout cas qu'on planifie mettre en place, là. Oui, et je pense qu'en fait, le gouvernement s'est positionné face à ça dans le sixième point en disant on va faciliter la coordination des actions des différents ministères, parce qu'il y a déjà des ministères qui ont proposé leur plan. Je prends exemple, en juin 2014, c'est le ministère de la Culture et des Communications qui a fait son plan culturel numérique. Il y a déjà des mesures qui sont en place. On parle, exemple, beaucoup de numérisation de collections, numérisation d'archives et des fonds qui ont été ouverts là-dessus. Donc, il y a déjà une stratégie du côté de la culture. En juin 2015, on a fait une stratégie plus du côté de la gestion des infrastructures gouvernementales. Donc, de quelle manière on va faire des investissements TI, quel type d'infrastructure on va avoir en place. Donc, c'est un peu ce qu'on a mis de l'avant. En mai 2016, mais là, évidemment, il y a la stratégie globale qu'on a proposée, mais il y a le plan d'action sur l'économie numérique. Ce qu'on annonce aussi, c'est qu'au printemps 2017, il y aura un plan d'action numérique en éducation. En 2017, il y aura également un plan d'infrastructure numérique un peu plus large. Alors, ça fait quand même beaucoup d'infrastructures qui risque d'évoluer peut-être un peu en silo. Alors, effectivement, ça peut paraître, et je pense que dans les experts de l'Université Laval se prononçaient un peu là-dessus, et je pense qu'on peut reprendre un peu leurs préoccupations en disant une stratégie numérique, il faut que ça soit quand même le plus transversal possible pour avoir le plus d'incidence possible, parce que nécessairement, c'est une pratique qui va nécessiter une approche interministérielle et qui va toucher l'ensemble des ministères, parce que c'est des mesures qui sont d'ordre sociétal. Alors, donc, pour l'instant, c'est les mesures qui sont en place, et la stratégie numérique, de ce que j'en comprends, viendrait peut-être un peu servir de lien entre ces différents éléments-là. D'accord. Et il y a aussi une stratégie de consultation. Donc, dans ce projet-là, comment ça va fonctionner au juste? Alors, ce qu'on dit, c'est que dès l'été 2016, donc dans les prochaines semaines, le gouvernement va mettre en place des outils et des méthodes de consultation. Alors, on parle d'un site web sur lequel on va pouvoir s'enregistrer. Donc, nous créer un profil nous permet de partager des documents, donc des mémoires, des avis, de partager des vidéos ou de faire des références à des articles, à des documents qui peuvent permettre d'étayer une réflexion, si on peut dire, par rapport à différents axes d'intégration du numérique. Ces idées-là vont être partagées en ligne, autour desquelles les citoyens ayant un profil sur cette plateforme-là vont pouvoir réagir aux idées, bonifier les idées, voter sur les idées qui leur semblent les plus structurantes. Alors, pour ceux qui se rappelle, il y a quelques années, il y avait quand même quelque chose de similaire qui avait été fait au niveau du gouvernement au Québec avec le projet de loi Gautrin sur l'intégration du Web 2.0 au gouvernement. Donc, ça s'était fait quand même dans une démarche, justement, qu'on voulait collaborative. Alors, ça semble être aussi la stratégie qu'on va vouloir mettre de l'avant. Alors, ce qu'on dit, c'est donc 2016, la plateforme devrait être en marche, donc cet été. Ensuite, à l'automne et à l'hiver, on va essayer d'intensifier le dialogue, donc quitte à créer également des événements, des rencontres, des lieux de mise en commun au-delà du numérique, parce que toujours aussi cette question de fracture numérique qui est en marche. Quand on parle de plateforme exclusive au web, alors il y a toujours cette idée de donner l'opportunité aux gens qui ne sont pas nécessairement connectés ou moins facilement connectés d'aller opiner également. Alors, ça semble être quelque chose d'assez large, et c'est quelque chose qui a été d'ailleurs salué, là, si on passe sur différents sites web. Je pense aux Très Étonnés, par exemple, qui avait fait il y a plusieurs années déjà, plus de 5 ans pratiquement, fait un large mémoire, des larges revendications pour demander une stratégie numérique. Eux disent, on est content de voir qu'il semble avoir une volonté justement d'aller consulter largement la population pour co-construire une stratégie numérique. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a un plan d'action en économie numérique du gouvernement du Québec qui a été évoqué, donc vendredi dernier. Quels sont les objectifs de ce plan-là? Trois objectifs qu'on qualifie d'ambitieux du côté du rapport. Alors, on estime qu'il faut que les technologies de l'information et des communications soient davantage intégrées dans l'ensemble des entreprises, et donc que les entreprises d'ici s'approprient des technologies, vendent leurs produits et services en ligne, donc soient un peu plus présentes en ligne. De manière générale, il faut dire que ça, c'était un manque qui avait été clairement identifié, je pense, au sondage mené par le Sufrio, notamment, et, qui nous amenait à voir que il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui vendaient en ligne au Québec. Il y en a même qui n'ont pas de site web, qui n'ont pas de présence en ligne. Donc, c'était un manque à combler qui était clair. Parallèlement, il y a aussi l'idée que l'intensité numérique des entreprises manufacturières soit haussée. Donc, d'essayer d'innover dans le secteur manufacturier qui est à certains égards peut-être un peu à la traîne, et à travers tout ça, ben, de permettre au Québec aussi de consolider sa position parmi les importants acteurs en TIC, comme terre d'accueil d'entreprises numériques innovantes, donc on parle de start-up, de PME et le reste. Et pour soutenir ça, on parle quand même d'un budget de 200 millions de dollars là, qui va être investi, qui accompagne donc ce plan d'action en économie numérique. D'accord. Et on ajoute à ça une action qui est liée à 5 grands axes d'intervention. Oui, je peux te faire un petit survol assez rapide là, parce qu'on parle quand même de 28 mesures. Évidemment, toutes ces mesures-là ne sont pas nécessairement accompagnées de budget. Donc, il y en a certaines où on dit, ben, alors on va mettre 50 millions précisément pour ça. D'autres, c'est plus des belles intentions, si on peut dire. Alors, on parle de l'axe 1 qui serait stimuler les innovations par les technologies et les données. Donc là, on parle vraiment de données massives ou le terme que choisit le gouvernement du Québec, méga-données. Donc, l'idée du big data, si on y va avec le terme qui a peut-être été plus étoffé. Alors là, on parle de soutien gouvernemental à différents projets de recherche, à différentes infrastructures qui sont actuellement développées. Donc, c'est pas du nouveau. Exemple, à Montréal, il y a un grand projet, un projet Apogée autour des méga-données. Donc, Apogée, c'est un programme de financement fédéral. Alors, ben, ce qu'on dit, c'est regarder si le programme marche. Nous, on va appuyer cette initiative-là. Alors, il y a quelques éléments un peu en lien avec ça. Mais parallèlement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aussi valoriser le transfert en sciences des données. Donc, il y a une expertise québécoise qui se crée en sciences des données pour permettre aux gens d'utiliser ce pan de savoir-là qui va devenir de plus en plus important. Dans l'axe 2, on parle d'accélérer la transformation numérique des entreprises et, comme on le disait tantôt, l'adoption du commerce électronique. Donc, des campagnes de sensibilisation, des équipes spécialisées qui viendraient accompagner les entreprises avec des possibilités de fournisseurs identifiés par l'État dont les services seraient en partie payés. Donc, il y aurait déjà un pourcentage de payer si on fait affaire avec telle ou telle personne pour justement développer des plateformes électroniques. À travers ça, on dit aussi, ben, si les entreprises investissent dans le développement d'outils et de plateformes électroniques, ben, il y aurait des crédits d'impôt qui seraient offerts spécifiquement pour ça et également pour l'acquisition d'équipements et de logiciels, donc de donner des incitatifs financiers. À travers ça, on ajoute aussi axe 3 qui est de renforcer la position du secteur des TIC, donc les startups. Alors là, c'est le point où on parle d'incubateurs, d'accélérateurs, de centres d'entrepreneuriat, de fonds d'amorçage, de fonds de démarrage pour des entreprises innovantes, des programmes de formation, d'accompagnement, de mentorat. Donc, tout ce qui peut favoriser la création d'emplois, tout ce qui peut favoriser la création d'entreprises. Et en parallèle, on dit, on va essayer également d'avoir une image de marque québécoise qui serait Export TIC, donc pour valoriser, si on peut dire, l'expertise technologique au Québec. Ensuite, on parle évidemment de compétences numériques, c'est l'axe 4. Donc, c'est encore beau de dire, on veut aller dans le numérique, mais encore faut-il qu'il y ait des gens compétents qui puissent y aller également. Alors, donc, développer des compétences, promouvoir des formations, promouvoir de la formation à l'intérieur des entreprises, des stages, etc. Et enfin, on parle évidemment d'avoir aussi un environnement d'affaires attrayant. Exemple des cellules d'innovation, exemple le gouvernement ouvert. Donc, c'est là qu'on l'entre aussi. Donc, l'info nuagique à l'intérieur des services publics, des programmes comme Québec branché aussi pour dire, ben, regardez, l'essor numérique ne doit pas être le fait que des grands centres où il y a déjà des accès intéressants au numérique. Donc, à ça, on investit 100 millions de dollars en plus du 200 millions que je mentionnais tantôt pour favoriser le déploiement d'infrastructures technologiques à travers les régions du Québec. Et il faudra évaluer tout ça, évidemment. Oui, et pour ça, ben, on dit, regardez, en cours de route, on va voir l'intensité numérique des entreprises. Est-ce que ça s'est bonifié? Est-ce que les entreprises ont un peu plus investi en TIC? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui font du commerce électronique? Est-ce qu'on est plus présent sur les marchés internationaux? Et est-ce qu'il y a plus de start-up au Québec? Ça semble être les indicateurs que le gouvernement s'est donné. Merci beaucoup pour ce résumé de la stratégie qui est dédiée au numérique et qui a été annoncée vendredi dernier. On rappelle qu'évidemment, c'est accessible en ligne, ça va de soi. Économie.gouv.qc.ca/stratégie numérique. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir.